There's a moon over Bourbon Street. Bon, bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau podcast dans demi-teinte, où donc on parle d'œuvres cinématographiques, littéraires ou que sais-je, mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur le littéraire, et on va essayer de parler des Chroniques de vampires d'Anne Rice, un assez gros morceau, et on va pas juste se contenter de parler de ce jeu, mais aussi de parler de comment on a pu tenter de retrouver cette fiction. Ces fictions, donc les fictions de l'auteur Anne Rice dans Vampire Mascarade, Dark Age et d'autres itérations de vampires, donc le jeu édité par White Wolf. Mais vu que c'est un sujet un petit peu compliqué, et vu que j'aime pas me faire taper sur les doigts, ben j'ai invité des gens pour me faire taper sur les doigts. Donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Simon et Manon. Salut. Bonsoir. Donc en fait, j'ai le plaisir de vous accueillir. Parce que je trouve que vous avez certaines connaissances des Chroniques de vampires d'Anne Rice et que vous aussi vous avez essuyé les plâtres peut-être en testant donc les jeux édités par White Wolf à ce niveau, et d'être peut-être qu'il y a certaines choses qui vous ont plu, d'autres choses qui vous ont moins plu. Manon, Simon, est-ce que vous voulez commencer par vous présenter, juste donc indiquer vos pronoms, comment vous genrez, et en gros qu'est-ce que vous faites là? Quel est votre parcours en quelques mots, peut-être? Tu y vas? J'y vais. Simon, donc il, masculin. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est super dur de se présenter, en fait. peut-être, je sais pas, tu pourrais nous dire comment tu as découvert Anne Rice, par exemple, assez succinctement, on aura l'occasion de le développer, mais... Ouais. Du coup, Anne Rice, j'ai découvert ça au collège, complètement au pif, à la médiathèque municipale de du petit bled où j'habitais, et complètement au pif, vraiment jugé sur la couverture du livre, c'était Les Stats le Vampire, dans une période où j'étais un peu ado et on cherchait un peu, je commençais à chercher des trucs qui m'attiraient visuellement, et donc ça, je me souviens très bien de cette couverture de Lestat, Lestat le Vampire, et voilà, donc c'est ma première itération avec le monde des ténèbres entre guillemets, et donc bah, après évidemment une fois qu'on s'est mis au jeu de rôle, on ne peut pas ne pas jouer à Vampire Mascarade Requiem. Pour notre part, on a fait une longue campagne en deux saisons de Mascarade Requiem, et puis plus ou moins patché avec nos règles, quoi. Et ensuite on s'est lancé dans l'écriture donc d'un jeu de rôle qui reprend un petit peu ce canon esthétique là, en y mettant beaucoup de choses un peu plus personnelles que nous aurions aimé retrouver dans Vampire. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Damné et qui sort en octobre. Ouais, qui sera déjà sûrement sorti à l'écoute de ce podcast. Manon, tu veux te présenter succinctement? Oui. Tu as rajouté peut-être une question différente. Manon, elle, il me considère en tant que féminin. Alors, ma découverte de Anne Rice, c'est un petit peu plus tard pour moi, c'est plutôt au lycée. Et après avoir vu Sleepy Hollow, donc c'est pas vraiment un lien direct, mais j'ai le souvenir d'avoir été avec ma cousine et qui me disait qu'il fallait absolument que je découvre Anne Rice et que j'allais aimer si j'avais aimé Sleepy Hollow. Alors là, maintenant, le lien me paraît un petit peu plus lointain, mais voilà, j'ai testé et j'ai bien aimé, on va dire, pour être succincte. Ok, je te remercie. Donc moi, c'est Arjuna, bon, les gens en plus, l'habitude de moi, donc je vais pas épiloguer, mais donc c'est elle et je me genre au féminin. Et j'ai découvert Lestat le Vampire à une époque de ma vie d'adolescent où j'étais très très perdu. Et à une époque où certains, certaines lisaient Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, je suis tombé sur Lestat le Vampire, que j'avais pris au premier abord pour un livre érotique, ce qui n'est pas forcément toujours très loin d'être faux. Ouais, je pense que c'était une grande révélation, je pense, quand je suis tombé dessus. Et du coup, j'avais des très très fortes attentes, très très très fortes, quand je suis arrivé sur une table de vampire et qu'on m'a dit, viens, c'est du Henry, c'est cool. Ah. Oups. Ben, on aura l'occasion de développer, j'ai peut-être pas testé le jeu aussi forcément dans les meilleures circonstances. Ce que je vous propose tout simplement pour démarrer, parce que aussi ça peut être une bonne accroche, je crois bien en l'adage de l'auberge espagnole qui fait que commencer une histoire dans l'ordre, c'est pas forcément très intéressant. Et je pense que cette situation pourrait nous aider. Donc c'est une citation qui vient de Lestat le Vampire, et qui vient d'ailleurs d'un personnage secondaire qui est une espèce de vieille reine que fréquente un personnage dénommé Armand, que je pense on aura l'occasion d'évoquer de nombreuses reprises au cours du podcast, qui est un personnage un peu fou, un peu éperdu, et qui dit la chose suivante. Il dit « Réfléchis, Armand, pourquoi la mort devrait-elle rester tapie dans l'ombre, attendre dehors ? Moi, toutes les chambres à coucher, toutes les salles de bal me sont ouvertes. Je suis la mort qui longe les couloirs de la maison sur la pointe des pieds. Tu me parles des dons ténébreux. Je les mets à profit. Je suis la mort qui vient, vêtue de soie et de dentelle. Moucher les chandelles. Je suis le ver au cœur de la rose. C'est un début du passage, j'ai déjà une bêtise. Donc, c'est Lestat qui dit ça en présence de la vieille reine. Et moi, c'est ce qui m'avait... C'est ce qui m'avait frappé au premier abord, en fait. C'est le charisme du personnage principal, et surtout un personnage qui se définit vachement dans la rébellion, quoi. Et dans cette situation, je trouve, on retrouve aussi beaucoup de l'esthétique d'Anne Rice, où les vampires, dès qu'ils deviennent des vampires, même si avec le recul, on pourrait trouver ça peut-être, je sais pas, ridicule ou étrange, ils se mettent à lire de la grande littérature, à écouter plein de musique, à porter des beaux vêtements, ils sont tous en mode, enfin surtout à l'époque médiévale, en chemise à jabot, ils pillent des bijouteries, ils se mettent même à s'intéresser beaucoup à la bonne chair et au vivre, quoi, juste pour cet aspect d'apparence. Je sais pas si vous voulez rebondir sur le personnage de Pierre, peut-être être une bonne introduction. Alors. Pour ma part, Lestat, je verrais plutôt, je dirais pas que c'est parce qu'il devient vampire qu'il commence à avoir un goût plus affiné et plus raffiné, mais plutôt je pense que c'est le manque, de mon point de vue, c'est plus le manque d'amour paternel et de reconnaissance. Je pense que c'est assez flagrant dans la scène du la première scène de Lestat le vampire, où il part affronter la horde de loups. Et qu'il revient et que le frère aîné en a que faire, en fait. Enfin, c'est comme si personne ne le croit, en fait. Et je trouve que... Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance et que en essayant d'accéder à la grande littérature et au Paris, quand il va à Paris avant d'être transformé, je pense qu'il y a une recherche de reconnaissance à travers cette littérature, ces classiques. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a cette recherche-là. Comme si, c'est un peu la, comment dire, ce qu'on croit à tort, comme s'il y avait que les grands classiques, Hugo, qui étaient intéressants, ou que, je sais pas, Wagner ou Mozart, qui ne soient dignes d'intérêt, alors que je pense que la culture, c'est plus large. Enfin, moi, je vois ça dans le personnage, je sais pas toi. En fait, de tout côté, moi, j'ai été beaucoup plus attiré par le côté. Rébellion, en fait, du personnage, mais très certainement parce que c'est dû à l'âge à laquelle j'ai, auquel ouais, j'ai découvert le. Je pense qu'on est à ce niveau-là et je pense qu'on n'est pas les seuls. mais ouais, c'est cette figure un peu romantique du rebelle qui forcément, casse un petit peu le carcan dans lequel il est mis, lui. Il est cultivé, Est-ce qu'il l'est vraiment? Quand il dépeint d'où il vient, c'est quand même l'Auvergne profonde. Oui, oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que il casse en fait son moule en fait. Et donc c'est ce côté-là en fait que je vois dans sa recherche de ravinement quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pour trancher avec tout ce qu'il y a autour de lui, et donc c'est une vision très très romantique de la rébellion quoi. Et bon, c'est évidemment c'est le truc qui m'a marqué au moment où après ça fait longtemps que j'ai pas relu ce livre aussi, donc j'ai peut-être encore des a priori de quand je l'ai lu pour la première fois. Moi je l'ai refeuilleté un peu et je pensais pas pouvoir faire le parallèle, mais en fait en relisant un peu le bouquin, j'ai un peu retrouvé dans une version beaucoup plus romanesque, mais le personnage de Rastignac qu'on peut retrouver dans le Père Goriot de Balzac, c'est-à-dire un archétype quasiment, d'ailleurs Rastignac qui est devenu une expression mais la personne qui va sur Paris, sur ce Paris fantasmé, c'est-à-dire le Paris des arts, du théâtre, un peu le genre de discours qu'on peut nous tenir quand des Américains nous parlent du Paris le Moulin Rouge, les belles femmes, la bonne chair, les cigarettes, quelque chose comme ça. Moi, je trouve, oui, surtout les mots de la fin, en plus, à nous deux, Paris, maintenant, j'ai un petit côté comme ça avec les stats, c'est pas vrai. Anne Rice est américaine, hein, donc, je veux dire, elle a une vision aussi très fantasmée de... Enfin, ou elle utilise une vision très fantasmée de Paris. Et puis, elle a grandi à la Nouvelle-Orléans, dans une grande maison de maître, une maison coloniale, en fait. Quand on s'y intéresse, donc c'est sûrement une culture qui a baigné. Je voulais rebondir sur vous, on va essayer de faire le tour de 2-3 personnages, et après on va rentrer dans l'art de vampire, si c'est un petit peu le but. Mais vu que vous me parlez de rébellion, enfin pour moi, même la stat, aujourd'hui, une fiction telle qu'on la voit serait limite, serait vraiment hyper limite, parce qu'en fait, en termes de rébellion, il commet tous les péchés possibles et imaginables, au sens peut-être biblique du truc, mais enfin notamment entre guillemets il couche avec sa mère, il la transforme, alors en même temps il la libère effectivement de cette vie de châtelaine un peu perdue dans une France rurale quoi, mais quelque part il couche avec sa mère. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus peut-être avec le recul en n'étant plus adolescent justement? Vas-y, je t'en prie. Un point de vue... Alors, si tu attends un jugement, il n'y en aura pas de ma part. Enfin, moi, ça ne m'a pas choqué. Enfin, en fait, il n'y a rien qui m'a choqué parce que... je trouve que la psychologie du personnage est très bien... Enfin, est très fine. Et j'ai pas dit que ça justifie. Hein. Loin de moi cette idée, mais je trouve qu'on comprend ses actions et on comprend ce qu'il fait. Et enfin, je sais pas. Enfin, non. Du coup, t'as trouvé cette scène J'ai trouvé la scène très poignante hein, parce qu'elle est sur son lit de mort en fait et que. Mourante, elle a parcouru l'Auvergne jusqu'à Paris alors que. C'est que en carriole, c'est pas facile et c'est décrit assez facilement alors que Lestat s'éloigne pour pas voir toute la misère qui lui revienne en pleine face en fait et j'ai trouvé je trouve que Lestat est très humain en fait dans ses réactions à contrario de certains autres personnages par exemple Louis qu'on qualifie souvent de niais et qui est souvent qualifié de niais dans le livre, qui pardonne toujours un peu tout facilement, qui suit aveuglément Lestat, et je trouve que, enfin, pour moi, c'est une position qui est beaucoup plus difficile à tenir que celle de Lestat, qui abandonne son meilleur ami avec qui il est monté à Paris, qui finalement, sur un coup de tête, transforme sa mère. Enfin, je trouve qu'il a des réactions beaucoup plus humaines et beaucoup plus vraisemblables, en termes d'identification, enfin, pour moi, je m'identifie beaucoup plus facilement à ses réactions qu'à celles de lui. Donc, elle me choque pas et je les trouve presque vraisemblables. D'ailleurs, pour avoir relu la scène récemment, parce que j'aime beaucoup le personnage de sa mère qui s'appelle Gabrielle de Lioncourt, hein, c'est une famille noble, sur le déclin, mais une famille noble. Pour l'avoir relu, c'est vraiment pas présenté comme, moi j'avais un peu ça sur l'aspect polémique, mais c'est pas forcément présenté comme Lesta couche avec sa mère, justement, mais c'est un peu présenté comme, justement, comme tu dis, elle meurt, sa mère. Elle est entre seuge, et elle est rebelle, et elle est sauvage, et elle est malicieuse, en fait. Tout ce qu'elle n'a pas été, enfin, peut-être pas pu être. En fait, on a l'impression qu'elle comprend qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle vient le quémander, en fait. Enfin, mais déjà, tout dans le livre, c'est la seule pour... Enfin, c'est la... Lestat, c'est le seul envers qui elle a une quelconque inclination, en fait. Tous ses autres fils, elle les a un petit peu délaissés et tout. Il y a un rapport vraiment, vraiment particulier entre eux qui finalement, se cristallise avec la transformation. Enfin, ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment signifiant et joli, quoi. Et toi, Simon, est-ce que c'est une scène qui t'a marqué ou pas du tout? Alors, un peu en mode par l'aventure. Non, mais c'est pas une scène qui m'a particulièrement marqué. Par contre, je vous vois. Avec un peu de recul, je me dis que ce que fait Anne Rice finalement avec ses vampires, c'est sous couvert donc de cette monstruosité, et je mets des guillemets autour de monstruosité, elle nous fait réaliser à nous lecteurs tous les carcans / tabous qu'on a dans notre quotidien, quoi. Et sans justifier, sans porter de jugement, elle casse ses carcans et nous met en face de ses tabous. Et il y a ce cas avec Gabriel. Moi, je pense également aux scènes entre Marius et Armand, lorsque Armand est le disciple peintre de Marius, où il y a une romance homosexuelle, peut-être même pédophile. Je me souviens plus trop de l'écart d'âge, mais je crois qu'Armand est assez jeune à ce moment-là. Clairement pédophile, même sans compter son âge vampirique, parce qu'il est... Oui, voilà. Oui, il est déjà vampire à l'époque, mais il doit avoir l'apparence d'une quarantaine d'années. Et puis, d'ailleurs, Marius l'envoie, c'est très intéressant, Armand le vampire, c'est ça. Un livre sur les vampires, 70% du livre raconte à peu près n'importe quoi, sauf des histoires de vampires. Mais il l'envoie dans un bordel, en fait, faire sa formation pour apprendre, en quelque sorte. Voilà. Et en fait, tout ça, on peut aussi parler de Louis et Lestat qui adoptent une fille. Tout ça pour dire que, globalement, ce que j'aime bien, en fait, dans ce qu'écrit Anne Rice, c'est que sans porter de jugement sur des carcans de la société, elle te les brise, elle te met en face, elle te dit alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Et du coup, forcément, bon, il y en a forcément qui me touchent peut-être plus que d'autres, mais ce passage-là, je parle du passage de la transformation de Gabriel, je l'ai vraiment pris comme tel, quoi. Peut-être moins émotionnellement et peut-être plus intellectuellement, ou en tout cas aujourd'hui j'ai pas le souvenir d'avoir été particulièrement pris émotionnellement dans cette scène. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de botter un peu en touche avec cette réponse. Voilà. Ouais, pas de souci. D'ailleurs, la Nouvelle-Orléans, c'est une région qui est très religieuse, d'ailleurs. Alors, je sais pas ce qu'a vécu Anne Rice dans son enfance, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié qu'elle se rebelle un petit peu face à tout ça. Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'Anne Rice est née en 1930, en fait. J'ai réalisé ça il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Et je réalisais que ses écrits qui m'émoustillaient beaucoup, que j'ai lu donc dans les années 2000, était écrit par une grand-mère, en fait. Des récits qui étaient très charnels, très chauds. Moi, à l'époque, je n'avais pas pris conscience de ma bisexualité, mais je pense que j'ai beaucoup vécu ça par procuration, parce que on cherche les relations hétérosexuelles dans Anne Rice. Donc, il doit y avoir Gabriel et Nesta, mais c'est très ponctuel, parce que Gabriel aussi est un personnage très sauvage qui vit dans sa nature. Et donc, évidemment, l'histoire entre Marius et Pandora, mais qui arrive assez tard dans la fiction. Et c'est l'un des exemples. C'est peut-être l'une des fictions où il y a le plus de relations homosexuelles Oui, complètement. Ouais. Mm-hmm. Mais je sais pas si. Ouais, pardon, excuse-moi. Pour rebondir sur ça, je trouve que, en fait, moi, ce qui m'a frappé, et notamment avec la Reine des Damnés, parce qu'il y a. Il y a beaucoup de passages qui sont durs, en fait, si on les prend, je veux dire, si on les met à plat, il y a un viol, ou il y a plusieurs viols, enfin, je veux dire, finalement, c'est très cru, et je trouve que ce qui en ressort, enfin, moi, je veux dire, quand je mets un petit peu plus loin et que je réfléchis aux relations des personnages et comment ils refont leur petite communauté réduite, je trouve que c'est beaucoup l'amour, les liens en fait. En fait, ils prennent les liens entre deux êtres et je trouve qu'elle sublime ça en fait. C'est les liens entre chacun des personnages. C'est ce que je... Tu veux dire que ça va au-delà de la sexualité, ouais, c'est ça? Pour moi, ça va au-delà, en fait. C'est vraiment le relationnel et ça dépasse plein de choses. Et notamment parce que la Reine des Damnés, elle introduit la Genèse qui éloigne, en fait, l'aspect judéo-chrétien du bien et du mal qu'on peut avoir, qu'on avait avec les deux premiers, en fait, où les personnages... se cherche un peu par rapport à ce prisme, et je trouve que il explose avec la Reine des Damnés et que du coup il en ressort que ça en fait. Est-ce qu'au contraire elle met pas l'amour sur le même plan que autre chose, plutôt que dire, enfin j'ai pas l'impression que elle, enfin d'après ce en que fait, tu dis, j'ai l'impression que tu dis, bah finalement c'est le relationnel entre les gens plus que l'amour, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est au même niveau que l'amour, en fait, ouais, que parce finalement... L'amour, en fait, il est mal connoté, et si tu dis amour, et que tu penses à Louis et Claudia, et bien tout de suite, tu dis pédophile, alors que si tu vois ça d'un point de vue relationnel, j'aurais tendance à utiliser le mot amour de manière plus universelle, en fait. D'accord. Alors, cette notion-là me convient... Voilà. On est d'accord. On est d'accord. T'as vu, c'est beau, quand même. D'ailleurs, on peut se demander, alors qu'en même temps, je pense que vous aussi, mais je pense qu'on peut toutes et toutes se citer plein d'exemples de scènes très sensuelles, voire très sexuelles. Et en même temps, on peut se demander si les personnages sont si sexuels que ça, quoi. On a notamment des exemples, c'est le plus flagrant avec Marius, c'est un peu l'intello de la bande, pas encore plus que les autres, quoi, mais qui parle de sa fascination pour des gens qui ont des constructions politiques, philosophiques et idéologiques, et à quel point ils passent des nuits à ça, ils voient plus le temps passer, il est en auto-kiff, quoi. Sans arrêt, les scènes qui sont justement le plus sexualisées, c'est des métaphores. D'ailleurs, quand ils se mordent, en fait, et ça, on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, c'est l'un des drames sur les premières parties de Vampire où les morsures sont balancées, où tu récupères des points de sang à l'arrache sans que ce soit narré. Mais c'est, ils partagent des souvenirs, ils partagent des émotions, ils partagent des pensées, ils peuvent pas s'en empêcher, et c'est signe de gros enjeux pour les personnages, quoi. Et c'est d'autant plus, c'est d'autant plus flagrant que, les vampires, mécaniquement, peuvent pas, en fait, peuvent pas avoir de relations sexuelles mécaniquement. Donc, forcément, la sexualité, toute l'érotisation se fait, ailleurs, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment tout l'érotisme ressort sans parler de sexe, en fait. En tout cas, c'est pas du sexe génital. Ouais, c'est ça, c'est chouette. Le seul exemple que j'ai, que je trouve, c'est l'un des moments de la saga dans le bouquin Pandora, en fait. Ouais, quand ils sont dans le même cercueil avec Marius, c'est ça? C'est ça. Bah, si tu veux, tu peux raconter l'anecdote. Non, vas-y, je t'en prie. Je crois qu'elle est encore jeune vampire Pandora, en fait. Et genre, elle lui demande si Marius peut la pénétrer, quoi, tout simplement. Il dit, mais ça sert à rien, on peut rien faire. Enfin, c'est une partie du corps qui est morte, totalement morte. Elle dit, mais quand même, juste, ça me rassure, quoi. Je sais pas, j'aime bien. Enfin, je sais plus ce que c'était exactement la tournure. Il y a vraiment cet aspect-là que, ok, c'est plus du tout sexuel, mais c'est pas forcément du désir ou du sexe que je recherche. C'est ta présence, c'est toi, c'est le fait qu'on soit l'un sur l'autre. Quoi. Et j'avais trouvé ça assez poétique à l'époque. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est chouette. lance, on va pas tarder à embrayer sur, sur vraiment l'aspect jeu de rôle. Vas-y, ouais. Un élément important qui me semble de parler, parce que il est au cœur de Vampire Masquerade, et pour moi, c'est là où on voit, même si White Wolf s'en est défendu, qu'ils ont surpompé sur Enrise, enfin, ça devient indécent à ce niveau-là, quoi, de, surtout de pas l'assumer. Mais c'est les grands anciens. C'est les grands anciens d'un vampire. C'est donc Akasha qu'on voit les reines, dans, dans le film La Reine des Damnés, mais selon moi, auquel on rend pas totalement justice. Non. C'est réellement le film est pas terrible. C'est réellement un personnage fascinant. Et puis, c'est on cherche des figures de femmes fortes. C'est, je pense que ça se pose là, même s'il est pas forcément toujours assez, aussi présent qu'on voudrait. Mais c'est aussi la personne qui transforme Lestat et qui fait que Lestat n'est pas un vampire comme les autres. Est-ce que vous voudriez rebondir là-dessus, par exemple? Alors, c'est pas elle qui transforme, mais il boit son sang. C'est comment il s'appelle? C'est Magnus qui transforme. Magnus, qu'on oublie totalement. Mais qu'on oublie complètement. Il se suicide juste après avoir transformé Lestat. D'ailleurs, juste pour rebondir, j'ai trouvé la scène où Lestat se rend compte qu'il n'est que la énième tentative de ce vampire fou, où il voit des cadavres de personnes lui ressemblant. Je trouve cette scène déchirante, ouais, c'est ça, déchirante. Parce que le fait de découvrir qu'il n'y a pas de sens, en fait, c'est terrible. Et j'ai trouvé cette scène vraiment poignante. Voilà. Mais du coup, oui, par rapport à Kasha, il y a. J'ai pas trop d'avis sur la relation entre Kasha et Lestat. Je l'ai pas trop apprécié. C'est plutôt, enfin, juste histoire de tout couper. Ouais, vas-y. Le traitement des anciens, c'est-à-dire des vampires très anciens. Dans, je prends un cachet avec Magnus que comme exemple, mais donc je pense à Marius, je pense à tous ces vampires qui ne sont pas comme les autres. Et je pense que quand on va aborder le jeu vampire, ça va être quelque chose d'assez important. Parce que je pense que justement, c'est typiquement les personnages qu'on n'a jamais dans Vampire. Mais voilà, je te laisse continuer. Alors, du coup, pour rebondir, moi, ce que j'ai bien aimé en fait dans l'univers d'Ayn Rice, c'est que et ce que j'aime beaucoup retrouver dans les livres, c'est qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. En fait, Akasha, c'est pas la méchante reine pyromane qu'on a voulu faire dans le film qui d'un coup se réveille et bute tout le monde. C'est enfin je trouve dans le livre qu'elle a son but, elle a sa vision du monde. Comme tous les anciens, comme les jumelles, comme mon Dieu, j'ai oublié certains noms, donc je vais éviter de les transformer. Donc les jumelles, c'est Mare et Mekare. Voilà. Elles ont aussi une vision du monde qui leur est propre. Akasha Enkil et celui qui les sert à la cour et qui va les violer. J'ai oublié son nom. Ça fait partie des premiers. Et ils ont tous une vision différente. Par exemple, ce qui va faire que y en a une qui va suivre toute sa lignée, alors que l'autre qui en est le père, finalement, va en avoir rien à faire. Et chaque nuit, il va oublier et essayer de se remémorer qui il est, où il est et ce qu'il fait là. Et voilà, ils sont pas tous, c'est pas tous des pâles copies les uns des autres. Ils ont une vision du monde différente, ils ont des buts différents, et ça c'est très appréciable, je trouve, parce que on a tendance à souvent avoir de manger la même chose. Enfin, j'ai Marvel qui me vient en esprit parce que en termes de pâle copie, c'est quand même ce qui est le plus ouais, genre on fait tous des arts martiaux, on voyage tous dans le temps, voilà. On a tous plus ou moins des rayons laser d'une manière ou d'une autre. C'est ça, puis au départ on sait pas qu'on a des super pouvoirs, on a un mentor, et puis finalement le mentor il est pas si gentil que ça, donc faut le tuer, et puis après ça va bien, et puis hop, un deuxième film, enfin, ils ont tous un peu le même cursus, quoi, pour schématiser. Et là je trouve que c'est différent, que chacun apprécie sa nature vampirique de façon différente et singulière, et... Moi, c'est ce que j'aime bien chez les anciens. C'est pas des grands trucs dont on parle jamais, qui font un peu peur, et ouais. C'est pas trop. Bah, du coup, moi, c'est marrant parce que il y a le côté, il y a quand même un côté peut-être pas mystérieux. Comment est-ce que mystique? Ouais, il y a un côté mystique chez les anciens que je trouve particulièrement intéressant. C'est-à-dire que c'est des la manière dont ils sont racontés, c'est assez comment? y a une certaine dualité, quoi. Ils sont d'un côté, c'est ces êtres anciens, on peut dire éternels, c'est des divinités, quoi, c'est des demi-dieux. Et d'un autre côté, ils ont des traits de caractère qui sont très humains. Ils ont des leurs petites fixettes, en fait, qui sont très humaines. Et en fait, c'est cette balance des deux que je trouve intéressante. C'est à la fois tu peux te rapprocher d'un Marius, tu vois, par exemple, en te disant qu'il y a certaines facettes que tu comprends, enfin, qui est humanisé, etc. Et puis à peine tu arrives à l'appréhender, que tu te rends compte que, ben, en fait, c'est quelque chose d'au-delà, quoi. C'est une sorte de divin que tu pourras jamais comprendre, en fait. Et c'est cette dualité que j'aime beaucoup dans le traitement, on va dire, des vampires très anciens. D'ailleurs, c'est une vraie quête, parce que, juste pour reprendre la petite histoire, ça pourrait nous être utile pour la suite, mais donc Lestat se retrouve à combattre, entre guillemets, un espèce de clergé vampirique qui fait totalement penser à Mascarade, d'ailleurs, enfin à la Mascarade, c'est-à-dire des gens qui veulent imposer les modes de vie vampiriques et veulent que tout soit triste et sombre et horrible, alors que Lestat, il veut croquer la vie à plein dents. Et donc, il apprend l'existence de Marius, donc celui qui a créé Armand, celui qui tient, c'est l'espèce de vampire parisien. Et il écrit son nom partout, il hurle, il cherche à se renseigner partout, il court après lui partout, et vraiment, il hurle son nom, alors qu'il est censé être un nom secret et tout, et du jour au lendemain, Marius finit par arriver à lui, au moment où il l'a choisi, quoi, alors qu'il l'a repéré depuis le début, arrive, et c'est un peu comme une ombre fascinante, genre qui lui broie à moitié les os, quoi. C'est des anciens qui sont accessibles, mais on va pas y accéder n'importe comment, et ils peuvent être d'une violence terrible, ils peuvent être d'un amour et d'une sensualité aussi terrible, mais il y a une certaine menace aussi dans leur existence. Et en fait, quand tu commences à le connaître, Marius, tu vois toutes les facettes un peu, enfin, quand le lecteur commence à le connaître, quand il commence à raconter son passé, tu as toute une autre dimension qui s'ouvre, et c'est cette dualité là que je trouve extraordinaire, en fait. Il est pas jeune, Marius, comparé à Kasha? Ah bah si, il est jeune. Et ça, c'est vraiment un grand ancien Marius. Voilà. Pour taper dans son ego un peu. Je sais que ça marche sur Marius. Ouais. Bah, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire des personnages qui sont terribles, qui sont terrifiants, qui semblent avoir connu tout du monde. Face à d'autres types de personnages, tu peux percevoir que c'est juste des enfants, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est la. Alors, dans un registre totalement différent, c'est pas l'inspiration principale quand on parle des chroniques des vampires. Mais moi, je retrouve beaucoup la série Oz qui se passe dans le milieu carcéral et qui est assez fantasmée d'ailleurs. Mais où on est dans une structure où aucun personnage n'est absolu ou n'est super fort tout le temps, quoi. Il est susceptible d'être remis en question, son autorité, son histoire, sa perception, ses comportements. Et au final, on a des personnages qui changent beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'on est assez loin des antédiluviens qu'on nous raconte, par exemple, dans Vampire Redemption, le jeu vidéo, quoi. Ouais, complètement, ouais. On a droit à la voix d'outre-tombe avec les yeux rouges et tout, quoi. Évidemment. Ça tombe sous le sens. Excuse-moi, tu disais, je t'écoutais. En termes de clichés, ça tombe sous le sens. Les yeux rouges, la grosse voix. Ouais, c'est ça. Même si je trouve que c'est un jeu qui a son charme, et moi qui personnellement m'a fait connaître les vampires de White Folk, mais ouais, c'est vrai, on peut avoir des réserves. Donc, est-ce que vous voulez qu'on tente donc de commencer de croquer la pomme, si je puis dire? Vas-y, ouais, vas-y. On a pas mal abordé l'idée de la fiction telle qu'on l'a vue, hein. On pourrait passer 4 heures de podcast à parler des chroniques de vampires, mais c'est pas trop. Oui. Moi, en fait, la première truc que j'ai envie de vous parler, moi, j'ai ma propre expérience, évidemment, mais, alors moi, peut-être, c'était, c'était très particulier parce que c'est passé dans une asso de jeux de rôle à une table où il y avait 8 joueuses et un MJ, donc c'est quand même particulier. Je pense à un moment donné, on s'est toutes posé une table, on s'est retrouvé devant une fiche de perso et on nous a dit vous allez jouer à un vampire qui va lutter contre sa bestialité, qui va essayer de se frayer une place dans un monde étrange et fascinant. Peut-être qu'on avait Anrax en tête à l'époque, c'est bien possible. Et qu'est-ce qui s'est passé là, la première fois? Ça me dire. Ouais, moi c'est très simple. La première fois que j'ai joué à Vampire, c'était chez des amis ou des connaissances en tout cas. On avait joué à l'époque, je jouais par forum. Et on s'était fait une rencontre IRL dans la vraie vie et c'était l'occasion aussi de jouer ensemble pour de vrai dans la vraie vie. Et donc j'ai joué à Vampire pour la première fois. Et effectivement, quand on m'a présenté le pitch, j'étais à fond dans Unrise, quoi. Je me disais c'est le truc que je cherchais et que j'avais pas eu jusque-là. Manque de mots, c'était un scénar. En plus, je crois que c'était un scénar du commerce. Je me souviens plus. Mais c'est un scénar très très bateau où enquête suivie de une petite baston et voilà quoi. Réglé en 2 heures après avoir passé une heure et demie à 2 heures à créer les personnages. C'était pas une super expérience. Mais pour mettre un petit bémol, j'ai joué ensuite à Vampire par forum, donc sur le forum où je jouais, et là la fiction était beaucoup plus proche de l'ambiance Unrise. Très certainement parce qu'il y avait une certaine littérarité hein, dans le jeu par forum. On prenait notre temps pour écrire nos pièces de roleplay. Je crois que la cadence était à un message par jour, donc on avait assez de latitude quoi. Et puis ensuite, avec Manon, on s'est dit qu'on allait passer de l'autre côté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai décidé de passer de l'autre côté. J'ai commencé à maîtriser pour Vampire. C'était, je sais plus, notre première campagne, c'était Mascarade ou Requiem, je sais plus. Requiem, je crois. Et à partir de là, on a commencé une longue campagne. Je vais pas la décrire en long, en large et en travers, hein, mais l'idée, c'est que au fur et à mesure de cette campagne, non seulement on a vu les limites du jeu, mais on a aussi affiné notre palais en termes de ce qu'on recherchait quoi. Et à force de pitcher le jeu avec nos règles, on a fini par aboutir à quelque chose qui nous plaisait vraiment. On avait certains joueurs qui étaient absolument superbes dans leur manière d'interpréter les vampires et ça nous a beaucoup aidé aussi à maintenir la campagne à flot pendant plus de 2 ans et donc après ça a débouché sur d'années quoi. Voilà ça c'est pour ma part. J'étais un peu long, je suis désolé. Alors du coup ça va rejoindre un petit peu ton propos parce que moi j'ai découvert. Alors moi au départ je savais pas à quoi on jouait un truc de vampire. Voilà, moi j'aime pas les noms, j'aime pas lire les règles, j'aime pas remplir des fiches de personnages parce qu'on se rend, pour ma part hein, je me suis très vite rendu compte que ça correspondait jamais à ce que je voulais faire, qu'il fallait que je lance une pelle de dés pour arriver à un truc plus ou moins approximatif qui finalement retranscrivait pas forcément ce que j'avais en tête et au final on faisait de l'enquête et ouais je pense que enfin moi ce qui m'a surtout manqué c'est cet aspect là en fait, c'est de pas coller à l'image romanesque en fait que Unrise a développé et me retrouver juste avec un personnage qui a des super pouvoirs et voilà et à qui on demande de grandes responsabilités et voilà. C'est ça qui m'a manqué. Ouais. Si je peux me permettre de plaider pour Vampire Mascarade, en fait, Mais je ne jette pas tout à la poubelle. Hein. J'aurai l'occasion de cracher dessus, mais je fais du plan concessif qu'on appelle. C'est-à-dire, je commence par dire du bien pour ensuite. D'accord. En fait, moi, je me suis retrouvé à une table de vampire et j'ai dit, je vais jouer un humain. Quoi. Je veux jouer la transformation, je veux jouer cette immersion dans le monde étrange, je veux jouer la peur, avoir la terreur que par ressentir le personnage. Je me retrouve donc à une table de 8 personnes où ils ont la plupart mangé une grande pizza tartiflette. Alors déjà, l'ambiance, c'était pas... J'ai rien contre la tartiflette. Alors je me retrouve à créer un personnage. Alors déjà, ça a été très long. Parce qu'on commence... Un vampire savoyard, ça peut se défendre. Hein. Ouais, puis c'est à contre-courant des clichés, j'aime bien. Carrément, c'est... et ce qui se passe, c'est que je commence par faire une fiche de perso. On me dit, tu fais ce que tu veux, t'es libre, c'est le jeu de rôle, t'es libre. Voilà. Bah, si j'avais eu un euro, je sais pas comment on dit ça. Alors, je fais ce que je veux, quoi. Et je fais un perso sous-optimal, qui sait pas se battre, qui sait pas faire en social, qui est essentiellement des connaissances spécifiques. Quoi. Parce que moi, c'est ce que je voulais jouer un peu de côté culturé, esthète. Et puis à un moment, je dis ouais, mais j'utilisais tel ou tel pouvoir. Il me dit ouais, tu peux les prendre, mais tu pourras pas les jeter en fait. Enfin, tes sorts ont de fortes chances de pas marcher parce que t'as pas pris les caractères qui allaient avec. C'est un peu l'école où quand tu fais un personnage, il faut avoir une connaissance des mécaniques pour que ton personnage soit capable de faire ce que t'as en tête. Quoi. Et du coup, c'était très pénible. J'ai fini par me faire vampiriser par un autre joueur juste pour qu'il ait du pouvoir sur moi dans une scène complètement rocambolesque, alors qu'on était tombé d'un bateau, quoi. En gros, nos personnages étaient ridicules. Et c'était très, très compliqué. Pour tout un tas de raisons. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, je vais lire le jeu, quand même. Enfin, je veux dire, voilà. Et, donc j'ai vu effectivement plein de problèmes. J'ai vu toute la phase de création de Vampire Mascarade, qui pour moi est vraiment un modèle. Et qu'est-ce qu'il dit en quelques mots? En fait, il fait du PBTA avant l'heure. C'est-à-dire, ils posent plein de questions, en fait. Ils te disent, avant de toucher une compétence, avant de toucher un pouvoir, avant de toucher une carac, qu'est-ce qu'était votre personnage avant? Quels étaient ses enjeux de sa vie d'humain? Et dans quelle mesure ça rebondit avec sa vie vampirique? Il est probable qu'il va utiliser ses pouvoirs vampiriques pour que ça impacte sur ses anciens objectifs d'humain, quoi. Par exemple, ils prennent l'exemple d'une jeune dame qui est une héritière déchue, qui a perdu sa fortune sous le biais d'organismes un peu assez mercantiles, quoi. Et comment elle va essayer de reconquérir ce pouvoir, mais tout en essayant de continuer à se préserver par rapport au jeu d'intrigue, au jeu de cours du monde vampirique, quoi. Et du coup, ça crée pas mal de drama, quoi. Et j'ai jamais compris pourquoi, au départ, je comprenais pas pourquoi on le jouait pas. Mais parce qu'en fait, cette phase de création de personnage est pas mal en contradiction, justement, avec les jeux d'optimisation, les pouvoirs, et comme tu disais, les scénarios, quoi. C'est juste que je pense que Vampire a vraiment des outils pour le développer, quoi. Mais qu'il était tellement dilué dans d'autres choses que ça a été assez cool. Vampire, quelque part, hein, il a été il est arrivé trop tôt dans le paysage. Trop tôt, peut-être pas. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je voulais, que j'aurais aimé discuter, mais est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont connu la première sortie de Vampire et la révolution que ça a causé? Alors non, pas du tout. Je sais pas si c'est une révolution. Je sais que par exemple, Romaric Bayant, sur son podcast, était beaucoup bâché ça, parce que historiquement, c'est pas ça le jeu de rôle. Donc, je pense qu'historiquement, les gens vivent en fonction des rencontres ludiques, quoi. Donc, c'est très. Ouais, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui justement font partie de cette, on va dire, première génération, tu vois, pour rester dans le thème. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a changé un peu le paradigme, en fait, de la manière de jouer dans un monde où on jouait à donjon, quoi. Et malheureusement, j'ai l'impression que la mécanique de jeu de Vampire ne soutient pas du tout, en tout cas apporte des propos qui étaient peut-être pas dans les intentions de base, parce que justement, il arrivait tôt dans l'histoire du jeu de rôle. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. C'est aussi ce que je me demande, c'est que, En fait, moi, mon interprétation personnelle, si par exemple j'avais un cri de colère, je disais, mais merde, ils sont où les personnages d'Anne Rice dans cette fiction de merde, ce qui a un peu été ma réaction au départ. Ils sont où les personnages d'Anne Rice dans cette fiction de merde, parce que je les vois pas. Puis j'ai fini par les rencontrer, en fait. Ils étaient juste à côté de moi, mais j'avais pas fait attention à eux. C'est les PNJ, en fait. Ils ont une historique fouillée. Ils ont une relation avec des enjeux du monde super forts. Ils sont beaux. Ils sont fascinants. Chaque fois qu'ils disent un truc, ils sont... Les PNJ, ils les baladent comme ils veulent, quoi. Ils leur font faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire, les simples humains, mais c'est vraiment... Ils peuvent les fasciner d'un regard, quoi. Exactement ça. Mais effectivement, c'est les PNJ. Moi, la question que je me suis posée, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est justement, vu que on était encore sur des jeux AMJ, notre seule manière de mettre des contraintes, c'était par l'avatar du MJ et ses PNJ. Mais du coup, quelque part, vu qu'on savait pas faire du character centered à l'époque, en tout cas selon moi, au final, on a fini par mettre les PNJ dans les PNJ, quoi. Qu'est-ce que tu entends par on a fini par mettre les PJ dans les PNJ? Ce que j'entends par là, c'est que les personnages d'Anne Rice, on aurait aimé jouer, vu qu'on pouvait pas les faire incarner par les joueuses, parce qu'on a peut-être cette idée de Donjons et Dragons, quoi, où si on donne trop de pouvoir aux gens, ils vont trop faire n'importe quoi. On a mis les gros enjeux du monde dans les PNJ, parce que traditionnellement, on était encore une époque, je pense, où c'était le scénario qui faisait l'histoire. Donc il fallait que les PNJ portent l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que encore une fois, je voudrais pas faire d'historique parce que je pense que je suis pas assez calé dessus, quoi. Mais le côté super scénario avec des PNJ complexes et toi tu peux pas trop, enfin tu vaguement tu essayes de te démêler là-dedans sans vraiment comprendre, sans vraiment savoir, tu te fais un gros tour dans le PJ et tu te fais manipuler par des PNJ, quoi. Et tu comprends rien tu comprends rien à ce qui t'arrive, et finalement à la fin tu combats, tu jettes quelques dés, tu combats machin, et puis à la fin le MJ te dit alors c'était ça le scénario, et j'ai texto vécu ça lors de ma première partie de Vampire, quoi. Donc je rejoins un peu sur ce que tu dis. Moi je l'ai vécu souvent, mais moi ma question c'est est-ce que vous semblez avoir réussi à vivre autre chose, peut-être en menant le jeu. Ça s'est passé comment, quoi? Alors voilà, en menant, c'est assez différent. Ça s'est passé assez différemment. Tu veux peut-être intervenir, vas-y. Oui, en essayant d'être mesuré, disons que comme on n'a pas suivi le bouquin de règles, on a fait quelque chose. On a quand même gardé un carcan, on va dire, au niveau de l'histoire historique. Un certain carcan, même si on a transformé certains personnages pour les faire coller à notre manière de jouer, à notre vision, à nos enjeux. On a quand même gardé la structure, Augusto Vidal, tout ça. Oui, c'est le nom. Il avait aussi les traits de caractère. C'est un petit peu ma question, c'est en fait, quels éléments vous avez potentiellement repris du jeu d'origine? Est-ce que c'est lié à la thématique des clans, des pouvoirs, de l'historique du jeu? Non, moi en tant que MJ, j'ai pas pris grand chose. Ok. Non, moi j'ai quand même gardé. En fait, ça m'a servi de tremplin, quoi, ou de base. C'est-à-dire, voilà, je sais qu'il y a tels enjeux et tels. Lutte de pouvoir entre les clans et telle thématique, parce que mine de rien les PNJ portent certaines thématiques et en partir de là on a fait un peu ce qu'on voulait, pour pas dire tout, complètement ce qu'on voulait, et puis finalement au bout de à la fin, je pense qu'à la fin de notre campagne, de dernière saison de notre campagne, les personnages, si tu faisais écouter ça à un fanatique du monde des ténèbres, il se tire une balle, quoi. Les personnages n'ont plus rien à voir parce que justement ils ont évolué, mais quand même ils ont les noms, ils ont les noms et ils ont on va dire la base, mais c'est vrai que à partir de là on a beaucoup bifurqué. Et à part ça, qu'est-ce qu'on a gardé des jeux? Genre, par exemple, est-ce que vous avez complètement éradiqué les clans, comme le fait un peu Requiem, enfin, de manière différente, je connais très mal Requiem. Non, on n'a pas... En fait, je dirais pas qu'on a gardé... On n'a pas vraiment gardé cet esprit de clan. Moi, j'ai un peu exposé ça en prenant, en fait, les visions du monde, dans le sens où il y a... Ouais, on pourrait dire il y a un chef de clan, mais qui porte une vision. Mais c'est pas vraiment un chef de clan, enfin c'est pas vraiment un clan, enfin. Pas au sens où Vampire l'entend, quoi, c'est-à-dire. C'est un groupe de travail politique. Non, mais pas au sens où Vampire l'entend, où tu te fais transformer par un toréador et donc tu es. Enfin, et donc tu as ces caractéristiques intrinsèques, tu vois. Il n'y a pas de question génétique, il n'y a pas de filiation. Enfin, il n'y a pas cette question de filiation. Mais non, après ça, non, c'est vrai qu'on n'a pas gardé grand chose. Je suis en train de réfléchir. Bah, évidemment, la base, hein, la bête, les désirs. Mais bon, ça, c'est pas vraiment vampire, c'est plus Sunrise. Les voix, est-ce que les voix, vous les avez utilisées? Non. Non, franchement, on n'a pas utilisé grand chose. Et donc, histoire de peut-être rebondir sur un truc avec un peu plus de chair, est-ce que le problème de vampire, par exemple, au-delà des mécaniques, hein, au-delà des contraintes de clan, d'un jeu qui est très politique, qui est très axé intrigue, et qui est assez peu romanesque et romantique, et je parle même pas de sensualité, parce que on pleure, mais est-ce que le problème, c'est pas juste que souvent on joue des nouveau-nés dans Vampire, hein. On joue des gens avec pas d'histoire, tu vois. De même que Donjons et Dragons, ça raconte l'histoire d'aventuriers avant Bilbo le Hobbit, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment rien vécu, quoi. Et que c'est peut-être pour ça qu'on tend à reproduire difficilement ces choses, parce qu'on est sur des personnages qui sont neufs, qui ont peu d'empreintes sur le monde. On joue, par exemple, bah, l'un de ces vampires nouveautés, très peu puissants, qu'on peut avoir dans les égouts de Paris, dans la statue Le Vampire, et dont la statue rigole, parce que lui, il a été créé par un vampire très ancien, qui lui a aussi légué sa fortune et qui lui a donné le monde en cadeau, quoi, quelque part. D'un autre côté, c'est un petit peu le schéma traditionnel de voyage initiatique. Tu veux pixer, de toute façon, il faut partir de bas. Quoi. Hein? Voilà, non, mais il y a beaucoup de livres qui partent de ce. Enfin, je veux dire, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, Harry Potter, c'est quand. Je veux dire, il part de pas beaucoup de pouvoir pour arriver à tuer Voldemort. Pardon pour le spoiler s'il y en a qui n'ont pas vu. Je veux dire, Frodon, au départ, c'est juste un hobbit qui mange bien, quoi. Enfin. Et qui arrive à la fin, pareil, à... Ah, je ne vous le dirai pas. Je ne vais pas... Non, mais est-ce que dans les livres d'Anne Rice, il n'y a pas ce voyage initiatique aussi? Mais il y est aussi, et je pense d'un autre côté que... Alors, est-ce que c'est facile d'incarner un ancien qui a vécu 2000 ans? Est-ce que c'est facile, comme ça, de but en blanc, d'incarner ça, de se mettre dans la peau d'un personnage? Ou est-ce que, d'un autre côté, c'est pas plus agréable d'endosser le rôle de Lestat et d'arriver devant ceux qui ont 500, 1000 ans d'existence et leur rire au nez parce que ils ont eux-mêmes fabriqué leur lot de superstitions et ils vivent finalement reclus et comme des parias? Est-ce que c'est pas plutôt agréable d'être dans ce costume-là? Ouais, mais justement, c'est. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est un grand voyage initiatique aussi, Anrax. On joue pas un vampire qui peut se faire écraser par n'importe quel vampire d'un pichenet. Je veux dire, Magnus, justement, qui est un vampire très ancien, a fait quelque chose qu'il n'avait pas forcément le droit de le faire. En tout cas, il y a certaines personnes qui voulaient lui interdire. C'est-à-dire, il lui a donné beaucoup de pouvoir en lui donnant beaucoup de sang et en étant très ancien. Et justement, à cette époque, dans Paris, dans cette espèce d'inquisition qui tente de se monter au sein du milieu vampirique, il y a l'ordre qu'il n'y a que des jeunes vampires qui peuvent enfanter des jeunes vampires, sinon ça donne des vampires trop puissants. Alors certes, c'est un nouveau-né, Lestat. Il ne comprend rien à qui il est, ni à ce qu'il doit faire. Et ça reste un vampire très puissant dès le départ. Alors du coup, il faut remettre en cause, en fait, le héros de l'élu qui reçoit plus de pouvoir que le personnage de base, parce qu'il est l'élu, parce que l'intrigue va tourner autour de lui. C'est ça. Est-ce que c'était pas l'un des soucis de vampire? Enfin, moi, je par exemple, j'ai pas eu ce sentiment. Il n'y a d'intérêt non plus. Ouais, et puis il y a un autre truc, c'est dans Vampire, tu joues une coterie, donc tu es tout le temps plus ou moins avec tes autres comparses PJ, quoi. Donc c'est difficile de mettre le focus sur une personne autour de qui tout va tourner. Enfin, c'est en tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, j'avais plus l'impression que c'était les aventures de la coterie, tu vois, justement le voyage initiatique d'une personne. En fait, c'est vrai que le système de coterie, c'est difficile pour mettre en avant la personnalité de chaque PJ, en fait. Enfin, je veux dire, pour être un peu trivial, c'est un peu s'il y en a un qui décide d'aller aux toilettes, tout le monde y va. On va tous aux toilettes en même temps. Ouais, tous dans le minivan pour prendre. Ouais, voilà, c'est un peu ça, c'est Scooby-Doo. On y va tous en même temps. Non, mais je veux dire, ça, c'était pas. Mais c'est aussi un petit peu dommage parce que ça noie les individualités de chacun dans un espèce de pot commun qui, finalement, qu'est-ce qui en ressort? Corollaire de ça, du coup, c'est pas le personnage le plus, entre guillemets, intéressant ou le plus, celui qui a le plus de prestance, finalement, mais c'est le joueur, en fait, qui va avoir le plus d'aisance, qui va finir par s'accaparer un peu ce que fait la coterie. Et c'est, bon, voilà, c'est un des travers qu'on peut citer, quoi. Mais bon. Mais c'est pas propre à Vampire. Hein. Moi, je sais pas, vous avez peut-être un truc à rajouter. Vas-y. Moi, je peux vous donner un contre-exemple. J'ai passé l'une de mes meilleures parties de jeu de rôle à Vampire Masquerade. Avec ce que j'appellerais une scénarisation appropriée, en fait. Même avec une coterie, même si, évidemment, on évite des trucs genre 7 ou 8 PJ qui se baladent, parce que Vampire, c'est juste la catastrophe. Ne serait-ce que faire un tour d'initiative, ça prend une heure de jeu, quoi, donc c'est pas imaginable. C'est quelqu'un qui n'avait pas de scénario, donc, mais qui scénarisait avec un truc que je trouve, moi, le plus intéressant de Vampire, c'est-à-dire les atouts et les handicaps, qui a priori a plutôt été pensé pour colorer les personnages et avoir des petits choix d'optimisation, c'est-à-dire la possibilité de prendre des atouts, soit par des points d'XP, soit en prenant des handicaps. En gros, par exemple dans Vampire, tu peux avoir le fait que tu ne cicatrises pas, c'est-à-dire que ta peau va garder les marques, ou tu vas avoir l'apparence très blanchâtre, voilà, ou ton reflet ne va pas se refléter dans le miroir, des trucs comme ça. Et en échange, tu vas avoir des petites optimisations par rapport aux disciplines, par rapport à tes pouvoirs, par rapport à l'apparence que tu peux donner à tes capacités de séduction. Et il y a quand même dans les handicaps, dans Vampire, des trucs où tu es hanté par un fantôme, peut-être un fantôme vengeur, où tu as une sombre destinée et tu vas finir comme dans une grande tragédie, où tu as par exemple un sinistre sire, un peu comme on parlait du maître de l'Estat, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un sire, c'est-à-dire celui qui t'a enfanté, qui est un paria ou qui est pas aimé, et du coup ça va créer des problématiques. Et ma MJ ne scénarisait que comme ça, et je me souviens notamment une période où en utilisant beaucoup les handicaps, on nous avait fait vivre une aventure dans le Grand Nord, dans le Grand Nord, dans la Sibérie, dans une zone de la Sibérie où il fait moins 40 degrés, où justement on nous avait pas mis des enjeux d'enquête. Et on s'est retrouvé dans un grand navire qui accompagnait des réfugiés qui crevaient de faim. Nous, on avait plein de bouffe parce qu'on était riches, etc. Et on se retrouvait face à la tristesse, à la pauvreté de réfugiés qui étaient envoyés au goulag. Et on respectait les clans, on respectait les règles du jeu, on respectait les pouvoirs, on respectait pas forcément la scénarisation. Mais aussi, j'ai l'impression que, par exemple, alors je sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu connaître ou utiliser peut-être de manière plus intuitive, mais utiliser ces espèces d'atouts ou d'handicaps, c'est-à-dire ces espèces de flow, en fait, d'éléments de background vraiment très forts, et de scénariser autour. Ça peut aussi permettre de passer outre les problèmes de coterie, quoi. Nous, on a la discrétion des... En fait, on n'a pas donné de liste d'atouts, on va dire, ou de défauts aux joueurs. Par contre, ça fait partie de... Enfin, oui, c'est ça, c'était laissé à la discrétion de ces joueurs-là. Et puis ensuite, évidemment, c'est quand tu essayes de faire du jeu qui est centré sur les personnages, c'est le... Enfin, tu te jettes là-dessus pour proposer des trucs, quoi. Tu te jettes sur tout le background qu'on te donne pour faire rebondir tout ça. Et c'est un peu notre manière d'écrire les campagnes aussi. Enfin, de préparer, on va dire. J'ai discuté en préparation de ce podcast avec beaucoup de MJ de Vampire qui me disaient que quand quelqu'un prend Sombre Destinée, qui a un handicap à 50 points, donc tu peux faire plein d'optimisations avec, en gros, le personnage va très mal finir dans des conditions horribles et tout. Tu peux rajouter ça en plus avec des capacités d'oracle qui fait qu'il va voir sa fin. Et c'était presque un reproche dans leur bouche, en fait. C'est-à-dire, quand tu fais ça, t'es obligé de scénariser autour de ce personnage, quoi. Tu peux pas faire autrement. Oui, et ce qui est une bonne chose, du coup. Ça dépend des points de vue, mais... De mon point de vue, c'est... Au contraire, ça te donne des points d'attache, quoi. Des endroits où tu peux justement te raccrocher pour préparer... préparer la fiction, en fait, pour préparer le terrain. Alors, apparemment, ça n'a pas forcément toujours été très présent dans vos parties. Moi, je pourrais peut-être apporter de la nuance. Mais c'est quoi pour vous, quand vous cherchez aussi à retrouver du Anne-Rice dans Vampire, c'est quoi le genre d'ambiance ou d'esthétique que vous recherchiez? Alors, on a parlé de romantique, de romanesque, etc. Mais par exemple, un début de partie de Vampire, pour vous, ça ressemblera à quoi? Vous attendiez à quoi, en fait, quand vous avez démarré une partie? Est-ce que vous attendiez à quelque chose? Bonne question. Maintenant, ça commence à faire quelques années, donc je n'ai pas tellement l'état d'esprit avec lequel... dans lequel j'étais, du moins, quand j'ai commencé ça. Je me souviens plutôt la deuxième saison, l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai commencé à être MJ, c'était plutôt essayer de donner aux joueurs la possibilité d'avoir de pouvoir créer des scènes des scènes sans comment dire, le mot que je vais dire n'est pas du tout connoté, en fait. Des scènes où ils sont beaux. Pas beaux parce que ils sont bien bronzés. Juste des scènes où ils sont mis en valeur parce que ils remplissent quelque chose en adéquation avec eux. Ou pas. On comprend pourquoi c'est pas en adéquation avec leur personnage. Pourquoi ils se font violence. Pourquoi ils le font pas et pourquoi ils sont en symbiose avec ce moment-là, en fait. Et moi, c'est plutôt ce genre de scène que je cherche, en fait. Une scène où je prends mon paquet de pop-corn et je mange mes pop-corn. J'ai rien à rajouter parce qu'on comprend tout du personnage, en fait. Et pas parce que il me dit qu'il a lancé 3D et que il va arriver à sauter sur l'immeuble et que du coup il arrive à faire ci puis ça, enfin qu'il a 7 points en charisme, voilà, et qu'il a pour 20 000 $ d'habillement sur lui, ou que même tu vois que justement il a 7 points en charisme, donc il arrive à convaincre le personnage d'en face qu'il peut le faire, alors que rien que par la parole, s'il le fait, moi je lui fais pas lancer les dés, je m'en fiche des dés, en fait. Et je pense aussi que ça vient de ma manière de jouer, mais c'est quelque chose qui me sort énormément de l'immersion, de dire bon, attends, on va lancer des dés et on va voir si tu peux le faire. Et c'est ça. Est-ce que pour vous c'est un défaut, la place de l'aléatoire dans Vampire? Est-ce que le jeu aurait pu s'en passer? Ah oui. Je pense des fois qu'il faut laisser aussi les gens sont pas stupides. J'ai l'impression, en fait, qu'en voulant mettre des dés, des barrières, on fait pas confiance aux personnes, et si on leur met pas des gros poteaux, ils iront pas dans la bonne direction. Enfin, je suis pas d'accord. Je pense que les gens, ils vont s'emparer de thématiques et faire quelque chose de joli sans avoir à lancer des dés, ou sans parce que c'est écrit là à tel moment tu dois aller à tel endroit et sinon c'est pas possible, et enfin le scénar où tu peux pas faire autre chose parce que sinon le jeu se bloque. Ben, je trouve ça dommage, en fait. Enfin, c'est ce qui m'a le plus déprimé dans ce genre de jeu, voilà. Est-ce que t'as trouvé que le jeu avait un comportement paternaliste avec toi? Du coup, plutôt, en fait. Ouais. t'aurais aimé qui te laisse t'envoler davantage. Ben, d'un autre côté, c'est... En fait, pour le coup, la forme soutient pas le fond, en fait. Si t'es censé être un vampire et que t'es censé pouvoir péter les lois de la nature et faire tout ce que tu veux, comme on te le promet dans les premières pages, ben, en fait, t'es gentil et tu suis le MJ, sinon ça va mal se passer. Sinon tu vas avoir des pénalités. Non, mais... Ouais, je trouve que... Ben, enfin, moi, j'aime pas trop le scénario parce que... Enfin, le scénario, c'est bien parce que c'est rassurant, mais d'un autre côté, dès que tu sens les couloirs, c'est un peu comme dans les jeux vidéo à couloirs, quoi. Quand tu sens que tu peux pas t'en aller, bah, finalement, tu lâches la manette et tu mets juste t'appuies juste sur un bouton et t'avances bêtement, en fait. Comme un mouton de panurge, genre, bon, bah, faut aller là. Et, enfin, ça perd de sa sublime, je trouve. Du coup, pour rebondir, Moi, je suis un peu optimiste, donc, du coup. Ouais, non, mais pour rebondir, sur les attentes, je pense que une manière de reformuler un peu ce que tu as dit là, de mon point de vue, ce qu'on cherchait en menant Vampire, donc il y a une partie de la campagne qu'on a menée à deux voix, hein. C'est pour ça que je dis on à ce moment là, c'est d'explorer l'horreur personnelle des personnages. Et je vais expliquer un peu ce que j'entends par explorer l'horreur personnelle, mais et donc de mettre en place les outils, on va dire le carcan nécessaire pour que le joueur puisse explorer l'horreur personnelle de son personnage. Et qu'est-ce que j'entends par explorer l'horreur personnelle? C'est se confronter à toutes les contradictions qu'il y a entre la bête et les désirs et la vie sociale et la vie amoureuse et les relations que tu peux entretenir avec des gens et tout et faire en sorte justement de laisser le personnage évoluer là-dedans et comme tu disais voir le beau quand on commence à comprendre les enjeux du personnage, quand on le voit quelque part lutter, alors il n'y a rien de mesquin là-dedans, quoi. Quand je dis que j'aime voir le personnage lutter avec sa bête, c'est au contraire, il y a un côté très. Il y a un côté de l'ordre de la beauté là-dedans. Et ce que j'aimerais citer, par exemple, c'est un passage qu'on a joué. Durant la campagne où on avait un perso, donc d'accord, allez, du coup, ouais, je disais, il y avait ce personnage ce PJ qui était une grande prêtresse avec un culte autour d'elle, quoi, et qui intriguait un peu à ses heures perdues et qui a dans ses atouts un assistant de mairie qui lui permet d'avoir un accès aux décisions que peut prendre le maire et donc cet assistant de mairie est envoûté par elle, il est éperdument amoureux d'elle et donc c'est dans une scène qui est magnifique, je trouve. Elle va pour l'influencer et pour l'influencer elle se donne, elle donne son corps en fait à cet homme et donc tout ça toujours en roleplay avec les bases qu'on a fixées, quoi. Et donc il y a une scène où justement elle se donne à lui et lui suggère de pour améliorer son image et pour qu'il puisse accéder au statut de maire, quoi, pour faire une bonne campagne électorale, et ben elle lui propose, elle lui suggère fortement de se trouver une compagne, de préférence une blonde bien gaulée qui passe bien à la télé, tu vois. Cet assistant au début est réticent et puis envoûté par sa déesse, il accepte. Et la scène d'après est une scène d'introspection de ce PJ-là, où elle se demande elle se demande ce qu'elle est en train de faire, quoi. Et si toute cette adoration en vaut la chandelle. Et donc voilà, je termine mon exemple. Et ben c'est typiquement ce genre de scène qu'on cherchait à avoir dans notre campagne et qu'on cherche à reproduire avec Danée, quoi. Danée, ce qu'on essaie de faire, c'est ni plus ni moins que mettre les bases pour pouvoir jouer ce genre de moment, quoi. Voilà. Ouais, mais justement, je vais me faire l'avocat du diable et moi, je vais te dire ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai mes propres réponses, évidemment, mais on va me dire, ouais, mais Arjuna, t'es bien mignon, mais quand on se retrouve 4 ou 5 personnes à jouer, on va pas attendre que chacun fasse son bout de drama, quoi. On va faire effectivement une enquête pour découvrir les secrets du monde. On va faire peut-être une phase de bataille pour montrer contre qui on se bat et en quoi il y a des querelles. On va faire tout un tas de choses liées au scénar pour explorer le monde, parce que c'est comme ça qu'on explore un univers. Je paraphrase, hein. Mais toi, pour faire tes trucs, on peut les faire, en fait. On va faire des scènes solo. On va faire des apartés, mais surtout des scènes solo où on va te transformer en vampire, où on va te créer un trésor de relations, on va te créer du drama. Et tout ça, ça va résonner sur l'histoire principale. C'est quoi la question, du coup? En fait, ma question, c'est que ce qu'on pourrait te rétorquer, je fais un très mauvais avocat, c'est pas forcément mon argumentaire à moi, mais... Ouais, ma question, c'est... On pourrait te répondre, te rétorquer que tous ces moments-là, on peut les faire dans des scènes solo, et ça va enrichir, justement, ça va rendre ces enquêtes, ces phases d'exploration, ces phases de combat, beaucoup plus... Mais en quoi ces enquêtes et ces phases de combat sont nécessaires, en fait, du coup? Nous, ouais, je pense que le point, il est là, en fait. On est assez partisans du... ce sont les actions, en fait, des PJ et des PNJ qui changent le monde et pas le monde fixe qui est à explorer, en fait. Moi, ça m'intéresse pas du tout d'explorer l'imagination de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre, surtout d'un bouquin de 500 pages qui est fixe, sur lequel je n'ai aucun pouvoir, mon personnage a aucun pouvoir. Il peut essayer de d'ébranler quoi que ce soit, ben, de toute façon, on va dire, ah non, mais en fait, page 142, on me dit que, on peut pas le réveiller comme ça, donc, try again. Voilà. Ouais, je teste. Bon, bah, je vais essayer, je vais relancer des dés. Ah, ça marche toujours pas. Moi, ça m'intéresse pas, en fait, d'explorer un monde qui est figé, et du coup, qu'on est poussiéreux, en fait, parce que un monde, s'il vit pas, il est pas intéressant, en fait. Si t'as aucune prise sur ce monde, il est pas intéressant. Je veux dire, c'est ce que tu disais, comme on est comme on joue des personnages qui ont peu d'XP, et qui doivent acquérir de l'expérience, du coup, ça veut dire qu'on a pas beaucoup d'influence, qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, donc, a fortiori, qu'on ne peut pas changer le monde tout de suite. Donc, en fait, qu'on regarde le monde. Il y a des films, hein. Puis en plus, avec HBO, il y a des petites scènes sympas, ça mange pas de pain, enfin, du coup, pour moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Et au-delà de ça, en tant que meneur, ça nous intéresse pas non plus de fournir une fiction à des gens, quoi. Voilà, même si c'est une fiction qui est interactive, les personnages, oui, à partir des joueurs vont explorer, en fait, ce qu'on a prévu, entre guillemets, mais on est dans une démarche où nous, on donne quelque chose à des gens, enfin, c'est pas du tout notre manière de voir. Nous, on est des MJ popcorn, quoi. C'est-à-dire que on prend notre on prend notre saut de popcorn, on fait en sorte que les personnages soient importants et ont plein de drama, et puis on laisse couler et puis on mange du popcorn, voilà. En gros, l'une des réflexions qu'on pourrait avoir, c'est que il y a peut-être des univers plus encyclopédiques, je pense par exemple à Dune ou au Seigneur des Anneaux, qui font fantasmer pas mal de rôlistes. Moi, je joue par exemple une campagne des masques en ce moment, un masque Nyarlathotep. Je suis assez lucide sur l'impact que je peux avoir sur l'histoire. Ah ouais, non, c'est clair. Je peux avoir un gros impact sur l'histoire entre nous, entre PJ, mais le reste, je suis plutôt là pour découvrir. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que justement, de base, la fiction à la Anne Rice, est-ce que c'est pas justement pensé pour des MJ feignants? Et c'est peut-être pour ça que Vampire n'était pas adapté, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Après, je jette pas la pierre aux gens qui aiment jouer comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste pas, c'est juste pas notre manière de faire. Mais par exemple, si je voulais prendre à contre-pied un peu le truc, tu parlais de notamment Manon, la Reine des damnés tout à l'heure, qui est un livre très très riche en révélations. Il y a beaucoup de fluff. Je veux dire, il y a énormément d'histoires autour des grands anciens, autour de ce qui s'est passé. Pourquoi les grands anciens sont ressemblent à des espèces de statues dorées qui bougent pas. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi faut veiller sur eux? C'est quoi l'histoire des vampires? Enfin, c'est un livre. D'accord. Okay. Si tu veux, à part si tu as des thèmes particuliers, mais moi je suis jamais un protagoniste de la Reine des damnés. Je ne rencontre pas Akasha ni rien. Donc si tu veux, en tant que lecteur, c'est toujours intéressant d'avoir. Enfin, plus ou moins, ça dépend pourquoi. Je trouve que là, ça me dérange pas d'avoir des réponses, même si pour moi savoir d'où les vampires viennent, c'était pas une nécessité. Moi j'ai trouvé ça vas-y. C'était pas une nécessité. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est super cool. Enfin, je veux dire, une fois que tu l'as lu, bon, pourquoi pas. Globalement, moi j'ai trouvé que la Reine des damnés c'était peut-être pas le plus faible, mais l'un des plus faibles de la chronique. Justement parce qu'on te donne des faits. Par exemple, l'origine des vampires. J'avais vraiment pas envie de savoir, en fait. Et finalement, il y a une sorte d'explicationniste, tu vois, genre, on te donne l'explication et ça apporte des enjeux, etc. Je trouve ça cool, hein. Mais j'étais un peu déçu, quoi. Ouais, c'est assez vrai. Même si on pourrait aussi dire que l'origine des vampires n'est qu'accessoire. Et que non, bien sûr, c'est accessoire, mais moi, ça m'a déçu que ça existe, quoi. Et que, par exemple, ça permet de voir Akasha, qui est donc cette espèce de créature étrange qui est. Que seule l'Esta arrive à faire réagir, d'ailleurs, ben, quel genre d'humaine c'était, quoi. À quel point elle était perdue, à quel point elle devait obéir à plein de contraintes, et à quel point elle cherchait à s'accomplir, à quel point ça peut avoir une volonté par la suite. Pour moi, si vraiment je rends un reproche au vampire de White Wolf, hein, j'ai conscience de ses défauts, mais c'est de pas assez faire ça, quoi. C'est-à-dire, c'est genre, pouf, t'es vampire, ou tu veux à tout prix devenir vampire, et ta vie d'humain n'a pas d'impact sur ta vie vampirique. Alors que même un personnage comme Akasha, qui est l'un des personnages les plus vieux de toute l'histoire, on décrit sa vie vampirique, mais on décrit aussi sa vie humaine. Quoi. Tout à fait. Et un truc, par contre, que je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, je vais donner quand même un bon point au livre de Vampire, c'est que le Vampire Mascarade est Requiem, c'est que à la lecture, ils te font quand même grave fantasmer sur ce que tu pourrais faire en jeu. Et à ce titre-là, tu retrouves quand même. Enfin, moi, j'ai retrouvé dans la manière de présenter dans le fluff, dans l'écriture, qui est certes basique, mais à la lecture de Vampire la Mascarade, enfin, moi, ça m'a fait clairement penser aux chroniques, quoi, de Anne Rice, que ça m'a fait grave fantasmer sur ce qui est. Qu'on pourrait faire, mais du coup, le contre-pied, c'est que, bah, oui, mais toi, tu le fantasmes dans ta tête, mais si tu peux pas le faire en jeu, c'est con, quoi. Voilà. C'est juste la transposition, qui est un peu faible, mais au moins, je reconnais ça au livre, quoi. J'avais un ancien joueur qui est très fan de gros jeux univers, c'est-à-dire un peu ce qu'on critique, là, quelque part. Moi, je pense pas qu'on soit les seuls, hein. Il y a plein de gens qui ont dit, voilà, je commence à avoir un certain âge, j'ai des enfants, j'ai peu de temps de jeu. J'ai plus le temps, bah oui, mais c'est exactement notre cas. J'ai pas le temps de déployer un univers pendant 5 années. C'est pas que c'est inintéressant, mais voilà, j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie pour le faire. Et il me disait, il y a deux types de jeux. Il me disait, il y a les jeux qui t'inspirent à jouer quelque chose, il y a les jeux qui te disent quoi jouer. Et respectivement, il parlait des gros jeux univers avec souvent un système plus ou moins générique, quand même, soyons honnêtes, et des jeux, alors pas forcément forgiens, quoi, mais comme Manon disait tout à l'heure, plutôt des jeux qui essaient d'accorder donc le propos, le discours que peut avoir le jeu, enfin ce qui te vend, quoi, et ce qui te propose mécaniquement, quoi. Et donc Manon et Simon, À l'heure où on écoute ce podcast, vient de sortir un jeu depuis pas très longtemps normalement. Sauf si vous vous êtes fait jeter des cailloux en convention, normalement il est réellement sorti. On croise les doigts. Ouais, ça va. Dans ce cas, ils ont pas le droit d'amener de cailloux en convention, non. Il sortira pas le podcast. Ils vont amener leur Requiem et ça fait mal. Et ça fait mal à la gueule, ça. Ou des dés en plomb. Ah oui. Ne leur donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. Ça marche. Donc, les données sorties. Voilà, on a parlé un peu de ce qui nous a un peu frustrés dans Vampyre, même s'il y a sûrement eu des belles tentatives. Et il y a aussi, je pense, des contraintes éditoriales qui font qu'ils n'ont peut-être pas pu forcément faire ce que vous faites, vous, aujourd'hui, en indépendant. Est-ce que vous pouvez me parler du jeu? Par exemple, en parler d'aléatoire, il me semble que c'est un jeu sans aléatoire, c'est un jeu sans... Alors, il y en a un petit peu quand même. Ah, il y a des... J'ai pêché. C'est pas... Créature. Tu peux en dire deux mots, non? Si par exemple, enfin, je sais pas si c'est possible, mais si vous deviez expliquer le jeu à un fan de Vampire la Mascarade, ou à quelqu'un à qui ça n'a pas plu, comment vous pourriez procéder? C'est Vampire en mieux. Non, je déconne. Non, je déconne. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, Vampire autrement. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un jeu qui s'attarde sur certains aspects de Vampire. En particulier, la relation que tu as avec la bête. Donc, c'est comme ce que j'expliquais un peu plus tôt, quoi. Nous, ce qu'on recherche, c'est l'exploration de l'horreur personnelle, de ce qu'induit la bête, et de l'impact que ça a sur tes relations. Ouais, les relations que tu as autour de toi, les promesses, les histoires d'amour, de haine, de trahison. C'est vampire avec du drama fois mille, quoi. On avait sorti une petite vidéo qui est une note d'intention où je parlais de vampire à la Shakespeare, en fait. C'est-à-dire que le jeu te propose donc d'incarner un... Alors, on a un peu éludé cette notion de vampire en tant que tel. C'est pour ça qu'on peut faire parler de damné. Donc c'est pas forcément des suceurs de sang, c'est pas forcément... Alors, toujours est-il que la caractéristique des damnés, c'est qu'ils ont la bête au fond d'eux, quoi. Et cette bête, elle va te pousser à accomplir tes désirs. Mais forcément, accomplir tes désirs en écoutant la bête, en cédant à la bête, et ben ça fout un bordel pas possible dans tes relations humaines. Et voilà, donc c'est vraiment ça qu'on essaye de rechercher dans Damné. Est-ce que quelque part, je suis là pour chercher la petite bête ce soir, hein, mais vas-y. Est-ce que votre jeu est pas plus proche de la tragédie grecque que d'un bouquin d'Anne Rice? Est-ce que Anne Rice est pas proche de la tragédie grecque en elle-même? Selon vous, oui. Anne Rice, c'est un peu une grande tragédie. Pas forcément classique, mais. Je suis pas forcément d'accord parce que il y a pas de notion de fatalité, de destin. En fait, une fois que la bête te pousse, te susurre des choses à l'oreille pour que tu accomplisses ton désir, tes désirs, tu es seul responsable des conséquences des actions que tu as faites. Donc, il n'y a pas de notion de... Il y a un dieu, un deus ex machina qui voulait que tel ou tel personnage s'éprenne d'un autre... pour son plaisir. Non, mais c'est purement... on a purement éludé ces questions-là, et je pense que, du coup, non. C'est pas... Oui, voilà, si un personnage tue son père et couche avec sa mère, c'est pas parce qu'il y a des oracles qui l'ont prédit, c'est parce que c'est son désir, c'est sa bête. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion de divin. Et du coup, quelque part, les fictions... Enfin, dans Damné, les fictions sont plutôt imprévisibles. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément où on va. Elles sont très, très imprévisibles, oui. Vous avez été, je ne sais pas si vous avez pu beaucoup tester de jeux pour le sortir. Est-ce que vous étiez très surprise par la fiction Alors, nous, de base, on se laisse toujours surprendre par la fiction. C'est notre manière de jouer. C'est-à-dire qu'on ne présuppose jamais de ce qui va se passer. À chaque fois, on est surpris. Dès lors qu'on arrive à jouer assez longtemps pour développer ce qu'on a mis en place, quoi. Le jeu fait en sorte que avant de commencer une partie, il y a une phase de world building où on met en place des choses qui vont nous paraître intéressantes à jouer, et puis ensuite on va jouer la partie et en général ce que tu as prévu pendant ce que tu as construit dans le world building, tu te laisses complètement surprendre pendant la partie parce que tu as la bête qui va s'exprimer ou non, tu as des portes qui vont se faire ou non, tu as des relations qui vont se tisser ou non, qui vont exploser ou pas, quoi. Donc, c'est vraiment, on cherche pas à prévoir des choses, on est toujours sur. Dans Vampire, typiquement, on est guidé par pas mal d'éléments de cadre. On pense notamment à la mascarade au sabbat, aux anciens, à toutes ces règles qui régissent le monde vampirique, et aussi plein de personnages à découvrir avec une histoire riche. Est-ce que justement, faisant du world building, on va pas être sur des fictions peut-être un peu plus pauvres, en tout cas plus difficiles à saisir? Des fictions plus pauvres dans l'intrication, on va dire, politique, très certainement. Dans peut-être la quantité d'événements, la chair de l'histoire, ouais. Les choses qui peuvent se passer. Enfin, moi, quand je dis pauvre, c'est-à-dire où peut-être on peut trouver qu'il se passe pas forcément énormément de choses, ce genre de choses. Quoi. Alors, c'est clair que Danée, c'est pas un jeu d'intrigue politique. C'est clair que c'est pas un jeu d'action. Par contre, c'est un jeu de drama, quoi. Donc, la fiction est plus pauvre. Oui, on a rogné sur certains aspects. Par contre, la fiction n'est pas plus pauvre quand on parle de relations, de drama et de d'enjeux personnels, d'introspection. Ça dépend ce que t'entends par pauvre. Au contraire, je dirais même qu'elle est plus riche en termes d'introspection. Où on prend le temps, il y a une mécanique dans le jeu qui permet de demander des sentiments des personnages, quoi. Donc on prend vraiment le temps de jouer des scènes du quotidien qui peuvent sembler banales au premier abord, mais qui en fait en disent long sur ton personnage. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Et donc, quelqu'un qui ne connaîtrait, enfin, qui n'aurait pas du tout les codes, par exemple, d'Alan Rice, est-ce que la phase de world building, ça va aller? Est-ce que vous avez déjà eu des soucis? Ou est-ce que vous avez des outils qui font que les gens arrivent à se lancer quand même? Alors, le jeu est prévu pour être joué en campagne. Donc, il y a une phase de world building qui est assez, qui peut être assez conséquente. On conseille, si on veut faire 5-6 séances, de demi-séance pour le world building. Donc, en général, avec autant de temps, les gens bloquent pas. Par contre, quand on joue en one shot, c'est difficile de trouver en moins d'une heure des accroches. Et là, on met des grosses ficelles pour faire un carcan intéressant, quoi. Mais normalement, l'idée de world building, c'est que même si t'as pas les codes de Anne Rice, quelque part, tu arrives quand même à faire un monde intéressant parce que c'est un monde que tu auras envie de jouer, dans lequel tu auras envie de jouer. Il y a une règle c'est dans le tout début du livre où on présente un peu les bases de l'univers. Donc, il n'y a pas d'univers prescrit dans Danée, mais il y a des points communs entre toutes les parties que on va tous jouer. Il y a bien sûr la bête, il y a des pactes que tu vas faire, et il y a un certain nombre de tabous. Et ce qu'on a mis à la fin de toutes ces règles, ce qui prennent une page pour lui, enfin de toutes ces règles d'univers entre guillemets, c'est la dernière, c'est le reste n'a pas d'importance, ou particulièrement, le reste a l'importance que vous avez envie de donner au moment du world building. Donc s'il y a des thèmes que tu as envie d'aborder, il y a de quoi faire avec les mécaniques de jeu. C'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en place. Donc si ça se trouve, il y a des gens qui vont jouer à Dané sans avoir lu Anarès, sans avoir joué à Vampire la Mascarade. Et ils vont faire des trucs, j'espère qu'ils vont leur plaire, mais au moins ce sera quelque chose de très personnel parce qu'ils auront inclus les trucs qui leur plaisent. Quoi. Voilà. Sur ce podcast, on n'a pas toujours l'occasion d'en parler autant qu'on voudrait, mais on aime bien parler de concepts, d'identité de genre, d'orientation sexuelle, de désir, de type de relation, ce genre de choses. Et pour avoir feuilleté le bouquin, j'ai eu le plaisir de voir que, par exemple, les personnages étaient beaucoup moins genrés que ce qu'on pouvait voir. D'ailleurs, parfois, on a presque l'impression d'avoir des personnages métaphoriques. Ces questions de genre et de sexualité, si elles sont très présentes dans Anne-Rice, sont... Enfin, personnellement, je les ai vues très rarement exploitées dans Vampire. Sauf si la table en avait envie. C'est aussi ce qui nous a interpellés, en fait, dans beaucoup de jeux de rôle, en fait. C'est qu'à chaque fois, bien, on a... Enfin, je veux pas faire une féministe un peu extrémiste, mais c'est vrai que c'est souvent le mâle blanc, hétéro, qui est le personnage principal, et déjà rarement des femmes, encore moins de l'homosexualité, et encore moins... de la bisexualité ou des questions de genre ou ce genre de choses, rien que déjà des personnes je sais pas, asiatiques, latino, c'est hyper rare. Et c'est vrai qu'on s'est attaché dans nos campagnes à toujours mettre déjà d'essayer d'être le plus éclectique possible dans les portraits, de se dire que c'est pas forcément un personnage masculin, ça peut être une femme. Et c'est, enfin, on a joué des scènes d'homosexualité, on a joué, enfin, je pense que, enfin, on se restreint pas, ouais. Et sans faire un quota, en fait. Ouais, c'est pas le côté, il faut que tout le monde soit représenté, c'est, on offre la possibilité et on essaye de le permettre, en fait. Parce que je trouve que c'est, enfin, on trouve que c'est normal, en fait, que ça représente, ouais, et je pour rebondir un peu sur ce que tu disais, dans Dané, l'idée c'est, je crois qu'on l'a dit un peu plus tôt, hein, c'est que dans Anne-Rice, sous le couvert du vampire, en fait, il y a tous ces tabous qu'on casse, etc. quoi. Et donc, dans Dané, on a essayé de reproduire ça en disant, les PNJ, on les genre pas, et au-delà de ça, on donne pas d'origine ethnique, d'âge, etc. Sauf si c'est pertinent dans ta fiction, évidemment. Mais on se laisse surprendre parce que, évidemment, on a nos biais personnels. Hein. Je veux dire, on n'est pas spécialement ni militant, ni très au fait des causes LGBT. Mais on se laisse le plaisir d'être surpris par une chef de clan qui aurait une relation avec, ça peut être un homme, une femme, plusieurs relations, enfin voilà, on se laisse surprendre parce que sinon on a tendance à reproduire souvent la même chose de par nos biais personnels, quoi, tout simplement. Ça m'évoque aussi un petit peu, alors c'est un jeu avec lequel j'ai des problèmes, mais notamment parce que c'est ce qu'a relevé l'auteur, mais par exemple dans Monster Heart, les questions d'asexualité et d'aromantisme n'étant pas évoquées, ça génère quelques problèmes, mais on a cette idée du désir qui va te tomber dessus sans que tu t'en rendes compte et que tu vas devoir le gérer. Est-ce que cette mécanique autour de la bête, est-ce que ça, il y a pas des thématiques aussi communes du fait que si il y a des aspects de notre personnalité qui vont ressurgir, il va falloir les apprivoiser et... si complètement, sans que ça soit une inspiration directe. Monster Heart, ça fait partie des, on va dire, des inspirations secondaires, quoi. Il y a évidemment cette idée que t'as une bête. Alors ça peut être ce que tu veux, ça peut être une voix, ça peut être une personne, ça peut être des couleurs, ça peut être qui te pousse vers un désir. que t'as pas forcément choisi, ou que t'as choisi, mais que tu pensais pas que ça allait aussi loin. Et je pense que ça peut résonner. Alors, Dandané, c'est pas dit explicitement comparé à Monster Heart, mais il y a aucune raison pour que ça ne soit pas en, comment, en vibration avec des questions identitaires. Vous voulez passer à la dernière partie? Ouais, si t'as quelque chose à rajouter. Non, c'est bon, j'ai fait le bon vendeur de tapis là. Non, vous en êtes très bien sorti, c'était intéressant. Et donc, en conclusion, en quelque sorte, avant qu'on se quitte, hélas, mais bon, ce n'est qu'un au revoir. Peut-être. Ce que je voulais juste dire, c'est effectivement notre rencontre avec Vampire, c'est pas forcément toujours très bien passé, même si moi j'ai encore de l'espoir pour certains scénarios récents de Vampire Requiem. J'ai notamment vu, j'ai pas eu le temps de les consulter, mais on m'a passé un PDF de espèce de petit scénario sous forme de scène très centré sur les émotions d'un personnage dans Requiem, que je trouve très intéressant. J'essaierai de diffuser tous ces liens là dans les liens du podcast, mais enfin. Peut-être si vous deviez aborder Vampire aujourd'hui, ou si White Wolf annonçait « Bon, on a compris, on va faire un jeu différent, plus centré sur certaines thématiques. » Vous avez possibilité d'influer là-dessus, ou vous demanderiez quoi à White Wolf que peut-être, justement, les Danais ne font pas forcément. Vas-y. Ouais. Je pense que ça demande quelques réflexions. Quelques instants en tout cas. Je tiens à glisser que la V2 de Requiem avait l'air pas trop mal. Voilà. Enfin, en tout cas, des points d'amélioration quoi par rapport à la V1. Après, ouais, il me faut peut-être 2 minutes pour réfléchir à ce qu'on aimerait. Parce que quelque part, ce qu'on aimerait avoir dans Vampire, on l'a écrit dans d'années. Bien sûr, il n'y a pas tout et. Mais dans le pas tout, est-ce qu'on voudrait tout inclure? Enfin, tu vois. Moi, j'ai besoin de 2 minutes. Non, pas de soucis, pas de soucis. Pour ma part, je sais pas. Je sais pas si je suis prête à retourner à la fiche de perso et au dé. Non, mais. Mettons qu'il change tout, quoi. Ah, carrément. Genre, c'est une lettre au Père Noël, t'as le droit de demander ce que tu veux. D'accord. Ça peut juste être un aspect de Anne Rice que juste toi tu vois pas comment émuler, mais que t'aimerais. Peut-être que ce serait des points d'appui en fait pour pouvoir naviguer dans le temps en fait. Parce que, pour moi c'est très dur de. Je sais pas, par exemple, de faire un flashback sur une scène qui s'est passée il y a 200-300 ans, et notamment quand on a joué à la Nouvelle-Orléans. Ma culture fait que je pêche un peu sur certains points de l'histoire américaine, ils me pardonneront. Peut-être des points d'appui pour pouvoir justement rendre. Enfin, je trouve qu'il y a cette force chez Anne Rice, c'est que même quand elle fait Marius et qu'elle le transporte chez les Romains, on n'a pas l'impression de lire quelqu'un qui ne connaît pas et qui fabule un monde quoi. Enfin, je trouve que, ouais, par exemple, les loups en Auvergne, enfin, moi j'étais plongée dedans, et le petit village avec les paysans, enfin, à aucun moment je me suis dit « Oh, tu crois que c'était comme ça ?» Enfin, alors qu'il y a certains livres où des fois ça me coupe, mon immersion est coupée, et je me dis « c'est louche ». Et quand je commence comme ça, après j'arrive plus à raccrocher. Et je trouve que en ça, pour moi, elle m'a fait vraiment voyager dans diverses époques sans que j'ai un arrière-goût bizarre. Et j'aurais bien aimé retrouver ça dans Vampire. Ouais, notamment, c'est presque qui était reproché parfois à Anne Rice, ce genre d'invitorio et de vampire, où t'as des descriptions juste magnifiques de l'architecture. Alors, je sais pas si c'est Milan, mais de l'architecture italienne, où ça te donne envie de prendre un billet d'avion pour l'Italie tout de suite, genre. Mais enfin, ce qui peut décevoir des fois des gens, mais c'est vrai que plonger dans ces ambiances. Ouais, c'est ce que j'ai. Et sans caricaturer aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a tendance à aussi tomber dans les travers. Enfin, tomber dans. Bon, bah, les Romains, c'était tous des. Je sais pas, c'est quoi la grosse caricature des Romains, des décadents qui faisaient que des orgies. Ensuite, je sais pas, on passe à une autre civilisation et on y va. Enfin. Quelque chose de... Et puis même on parlait de représentation aussi, c'est que dans, par exemple, j'ai vu des épisodes de Doctor Who récemment, et c'est la première fois que j'ai vu un soldat romain noir, enfin qui a la peau noire, chose qui est parfaitement logique quand tu connais, même avec mes connaissances très parcellaires de l'Empire romain, c'est normal qu'il y ait des gens de toutes les couleurs de peau, quoi, avec des chevelures différentes, avec des pilosités différentes, avec des statures différentes, quoi, parce que ça s'étale juste sur la moitié du monde. Alors du coup, moi, si je... Ouais, j'ai réfléchi, mais en fait, c'est pas spécialement par rapport à Westworld, enfin, l'Empire, ou c'est par rapport au jeu de rôle en général. Je... Ouais, là, non, mais je demande un truc impossible, hein, c'est... Peut-être par nostalgie, peut-être par gros fantasme, mais un jeu qui permettrait de réconcilier le jeu en campagne de plus de 3-4 séances et le jeu en introspection ou en tout cas en drama comme on essaye de faire dans Danée, c'est quelque chose qui me plairait. C'est le fameux truc impossible avant le petit-déj, quoi. C'est cette idée de dire s'il y a quelqu'un qui écrit une campagne et que c'est sur les joueurs qui jouent les personnages principaux, ben, au bout d'un moment, il y a une contradiction fondamentale, quoi. Tu veux dire, une réconciliation entre... Mais une réconciliation entre les one-shots ou les campagnes courtes de 3-4 séances et la bonne grosse campagne épique qu'on faisait quand on était jeune, quoi. Mais c'est, j'ai conscience que c'est irréalisable, très certainement. Difficilement réalisable, mais c'est un truc que très certainement par nostalgie j'aurais envie de refaire. Parce que souvent je me dis ça serait bien là, cette grosse campagne cette grosse campagne de tel ou tel jeu, j'aimerais bien la faire, mais après quand tu regardes un peu tu dis ouais non, en fait c'est hyper dirigiste, ou ça c'est pas intéressant, ou je vois pas comment je vais pouvoir jouer, développer mes personnages là-dedans. Alors que quand on était plus jeune et qu'on n'avait pas tout ce vernis, on va dire, on se faisait des, je sais plus, non, on a fait une campagne de Chine de 1 an et demi sans problème, quoi. Enfin bref, voilà. Petit point nostalgie. Et toi, du coup? À moi, faut que je réponde à la question. Bah ouais, c'est pas drôle sinon. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien la posture d'autorité. On peut faire la personne intelligente qui dit pas ce qu'elle pense. Qu'est-ce que j'aimerais dans Vampire? Ça rejoint peut-être un peu ce que dit Manon, mais d'une manière différente. Moi, j'avoue que l'une de mes fictions favorites, c'est Claude Atlas. Je trouve que c'est l'un des meilleurs films qui a été fait dans le monde. Moi, ce qu'on m'avait promis, c'est une fois que je me suis retrouvé à faire une campagne de Vampire, tu vas jouer sur 2000 ans, tu vas voir Carthage... je sais pas, tu vas voir les premiers royaumes francs, tu vas voir les guerres mondiales, je sais pas, tu vas voir la Renaissance, tu vas discuter avec Rabelais, enfin tout ça. Voilà. Et du coup, il est sympa. De quoi le Rabelais? Un petit peu soupolé. Et puis même en Renaissance, l'hygiène, j'ai du mal. Une petite digression, mais j'ai bouquiné un livre sur l'hygiène, et je pense que si on jouait l'hygiène en mode réaliste à l'époque de la Renaissance, ça n'intéresserait pas grand monde. C'est quand même très contraignant et très, avec nos visions modernes très différentes de ce qu'on fantasme. Mais ce que j'aimerais, c'était vraiment ça, en fait. C'est-à-dire jouer le poids des ans. Jouer ces longues torpeurs comme a vécu Lestat et se réveiller et de devoir comprendre un monde nouveau et trouver des codes. Parce qu'au final, les vampires, c'est juste des gens très solitaires qui font des dépressions à répétition, qui s'endorment, qui se réveillent dans un monde nouveau et qui ont plein de nouveautés tout d'un coup. Et puis à un moment, ils sont lassés, ils retombent en dépression et ils se réveillent un peu plus tard. Oui, c'est un gros numéro. Ouais, mais c'est vrai, jouer le poids des ans, le poids des années, quoi. Et tous les jeux qu'il propose, souvent, développent des mécaniques à côté, mais on a peu d'outils pour essayer de saisir des époques, et juste répondre à un vieux fantasme. Qu'est-ce que ça fait de vivre 1000 ans, quoi? C'est d'ailleurs l'une des itérations du bouquin, c'est que, en gros, quand tu commences à dépasser 150 ans, 200 ans, tous les vampires deviennent fous. Alors, c'est l'un des ressorts narratifs, mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé jouer. Et qui, même aujourd'hui, même en aimant le scénar dirigiste, me semble très compliqué à jouer, quoi. Parce que ça implique de faire énormément de scènes du quotidien, de faire du scénar politique, mais en même temps d'explorer d'autres aspects. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me semblent à jouer, et pour moi, il n'y a pas encore assez d'outils, quoi. Voilà. D'accord. Je partage la vie. Pareil. Non, je suis d'accord avec toi. On va conclure. Non, Simon, je vous remercie pour votre participation, qui était plus longue que prévu. Je vous remercie de vous avoir pris dans votre temps personnel pour venir partager des expériences qui étaient fort intéressantes, pour venir parler de vos jeux, de votre jeu, pardon. Et voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter en conclusion. Bah, merci à toi de nous avoir invités, de nous avoir supporter cracher sur Vampire. C'est vrai qu'on n'a pas été tendre. Voilà. Bisous à tous les ennemis qu'on vient de se faire. Ah, puis c'était aussi l'occasion d'exprimer des frustrations par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si White Wolf n'est pas satisfait, ils ont qu'à nous faire un super jeu. dans tous les cas, on pourra reprendre leurs jolies illustrations, parce qu'ils ont du budget et des jolis illustrateurs. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus, qu'on va essayer de solliciter tout plein de liens sur le podcast, sur le jeu, sur les articles qui ont été faits entre-temps, sur le trailer aussi, qui c'est assez intéressant pour votre démarche, quoi. Et puis peut-être pour une prochaine fois, pour un autre jeu qui explorera des créatures immortelles ou pas. Enfin, ce sera vous de. Volontiers, ouais. Les littératures. Oui, parler littérature ou cinéma, c'est avec plaisir. Ouais. C'était très intéressant. Ou même super-héros, j'ai eu le plaisir d'ailleurs de. Alors, c'est un peu hors sujet, mais de lire. Je crois que Manon, t'étais co-auteur aussi du jeu sur les super-héros de Game Chef. Oui, mais elle est co-auteur de tout, en fait. On est créateur de tout. Qui était aussi super intéressant, et c'est vraiment un jeu à la DC Comics, comme souvent on en arrivait, quoi. Parce que j'avoue que Marvel RPG, c'est mignon, mais c'est pas très avec ses pouvoirs. Et ça sera au plaisir d'en reparler avec vous. Merci. Et... Merci beaucoup. Au plaisir. By the light of the moon, the brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest, oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon